Cinquième chapitre. Les artisans bretons. Voici plusieurs années qu'on annonce une exposition générale des produits bretons. Elle nous permettrait de faire le bilan de ce qui existe encore de notre art provincial. La décadence des anciennes industries du mobilier ne peut se dissimuler et il convient d'examiner les moyens de susciter une renaissance ou tout au moins d'aider les sculpteurs, les potiers, les brodeurs et les ébénistes qui œuvrent encore patiemment dans les départements du Morbihan, des côtes du Nord et du Finistère. Notre vieille province, longtemps fermée aux innovations, s'ouvre de plus en plus à la grande fabrication mécanique qui vient ruiner les derniers artistes, et notre goût ancestral pour les solides armoires, les gilets ouvragés, la lingerie ajourée et la vaisselle imagée. La vie de nos paysans évolue beaucoup plus vite que ne se l'imaginent les Français, comme on dit en terre basse bretonne, et s'il ne faut pas regretter la pince à résine fichée dans le vaste foyer à baldaquin, peut-être aurait-on quelque droit à se lamenter devant l'invasion d'une camelote internationale qui vient jeter hors des fermes moyenâgeuses les bahuts centenaires luisants et loyaux. Quel non-sens lorsque, dans mes courses de clocher à clocher, je rencontre un fragile buffet de cerisiers vernis dans une arche de granit du XVe siècle où les bœufs fraternisent avec leur maître. Et quelle ironie quand j'aperçois au seuil d'une maisonnette, style de banlieue, dont le mortier frais bave encore, la silhouette archaïque d'un ancêtre en bragoubrase, guêtres et vastes pétases à poils bourrus. Il faut l'avouer, les deux Bretagnes cohabitent déjà, et l'une tuera l'autre. Seules les modifications dans le costume prouveraient l'intensité incroyable du mouvement qui emporte l'armor vers le progrès, si toutefois le fait de porter une veste ou un gilet sombre au lieu des draps bleus de roi ou vermillon brodé de soieries multicolores prouve un perfectionnement de l'être humain. En ces pages documentaires sur l'état des industries de l'armorique, je ne voudrais pas fournir les preuves d'une décadence morale parallèle à l'enlaidissement d'une vie locale qui fut pleine de saveur et de sincérité. De même que l'alcool de grain tend à remplacer le cidre des aïeux, de même les assiettes blanches, les cotonnades ou le sapin du Nord ont chassé des logis l'écuelle illustrée d'arabesques, l'étoffe épaisse comme une cloison et le chêne décoré d'oiseaux et de fleurettes. Progrès. Toujours progrès. Pourquoi faut-il que les artistes bretons prêchent vainement d'exemple en se meublant à l'ancienne mode, avec un charme et un agrément que ne peuvent plus comprendre leurs voisins campagnards? Car lorsqu'un cultivateur franchit le seuil d'un monsieur, installé avec confortable dans un mobilier rustique qu'il n'apprécie plus, il rit, il s'étonne et il repart, apitoyé et non pas converti. Les anciennetés bien grimacées, ainsi que s'expriment les Morbihanais en présence d'une armoire sculptée, et si évocatrice, qu'en la regardant on s'imagine toute l'existence des ancêtres, toute leur force, leur candeur et aussi leur obscurité. Oui, ces pauvres anciennetés finissent comme Job sur les fumiers entassés devant les métairies. Il existe encore des potiers habiles en Basse-Bretagne. Souvent, comme à Malensac, des femmes savent pousser le tour avec les pieds et fabriquer une vaisselle aux formes primitives que, d'ailleurs, la terre de fer et la tôle émaillée tendent à supplanter. C'est à Quimper que se trouvent aujourd'hui réunies les dernières fabriques de faïence, fières d'un assez long passé de gloire. À Nantes, au XVIIIe siècle, à Rennes et au Croisic, vers la même époque, la faïence bretonne rivalisait avec les autres centres de fabrication française. La première usine quimpéroise fut fondée par un méridional de Saint-Zacharie, près Marseille, qui, en 1690, imita le genre moustier avec les terres glaises inférieures de l'Audet. Plus tard, Pierre Bellevaux, d'une ancienne famille de faïenciers de Nevers, introduisit le style nevers en employant des argiles fines. Son gendre, le Rouennais Pierre Cossy, importa le décor de Rouen. Au milieu du XVIIIe siècle, deux autres fabriques se fondaient à Quimper et s'imitaient les unes les autres avant de trouver leur formule originale. La faïence bretonne se dégagea difficilement de ses premiers parrainages. Pourtant, peu à peu, apparurent des assiettes en camaïeu ou en vive couleur qui reproduisirent des oiseaux, des bouquets, des hermines et des motifs d'ornementation d'inspiration locale. Plus tard, les bleus, les jaunes et les verts d'une richesse de verrières utilisés par les cornouaillais contribuèrent à la renommée des services de Quimper. Les ouvriers se succédaient de père en fils dans les fabriques et ces familles innovaient lentement, sagement. Un usage charmant voulait que le faïencier, invité à une noce paysanne, apportât en cadeau au marié un chef-d'œuvre. Quelques-unes de ces pièces ont été conservées par M. Henriot, le directeur de l'une des faïenceries modernes. Libre de toute influence commerciale, le décorateur s'appliquait à composer, suivant ses idées personnelles, un plat qui devint son titre de gloire. Ces faïences, depuis 100 ans, réfléchissent les préoccupations de l'époque. La tradition est déjà rompue et, dans ses essais, les plus diverses influences, Chine, Japon, Angleterre, Révolution, Restauration, sentimentalité coloniale à la Pole et Virginie, s'affirment avec naïveté. Beaucoup d'habileté manuelle et un certain goût sauvent ces productions hors série. Sous le Second Empire, un ouvrier décorateur, grand lecteur du magazin pittoresque, un illustré d'une influence étonnante à cette époque, s'émerveilla devant les gravures sur bois représentant sans vérité des paysans bretons du Léon ou de la Cornouaille. Notre artisan copia ces images et les reproduisit à satiété. Ce malheureux ne se doutait pas du succès funeste et extraordinaire qui allait accueillir sa tentative. Tout l'art breton allait être infecté de bonhommes d'opérette aux costumes fantaisistes comme ceux qui habillent les figurants du pardon de Ploermel, ce pardon qui n'a jamais existé que sur la scène. Affirmons-le, jamais l'art breton ne reproduisit de personnages. À la Renaissance, quelques masques de seigneurs furent tout au plus sculptés avec sobriété sur des coffres et des bahuts, tandis qu'aujourd'hui, notre pauvre art ne semble armoricain que lorsque le bois, la faïence, la broderie sont surchargés de petits paysans en habits théâtraux, caricature des véritables vêtements portés par les cultivateurs. Les huchiers, imagiers et décorateurs des époques où l'art breton créait des œuvres savoureuses seraient stupéfaits de cette déviation puérile qui veut que la marchandise se déguise à la Théodore Botrel pour sembler d'une fabrication gaélique. Hélas, trois fois hélas, les faïenciers contemporains ont dépassé la limite permise. S'ils dessinent un petit bonhomme par assiette, ils décorent leurs plats, leurs soupières, leurs fontaines aux plus vastes surfaces de scènes pittoresques de la vie bretonne, empruntées à ces peintres fournisseurs de bretonneries à l'usage des touristes. Maintenant, vous pouvez manger votre potage sur une sarabande de femmes dansant la gavotte ou découper votre poulet sur des joueurs de boules. Préférez-vous déposer votre rôti sur un enterrement villageois? On vous le fournira. Cherchez-vous le beurre sur votre table? Il vous faudra le découvrir dans un biniou. Oui, trois fois hélas. Maintenant, l'esprit de la vieille armorique se meurt et les fabricants cherchent une résurrection dans l'imitation enfantine des objets, outils ou instruments qu'à tort ou à raison, les Parisiens considèrent comme le patrimoine celtique. Voulez-vous un encrier? Il vous faudra accepter un chapeau à large bord. Vous plaît-il d'offrir une bonbonnière? Il sera galant d'acquérir un sabot dont la crotte, parfaitement imitée, est peinte couleur de terre. Faut-il donc désespérer d'une renaissance? Ce n'est pas mon avis. Je viens de visiter une faïencerie et j'ai remarqué l'habileté professionnelle des mouleurs, des tourneurs et des peintres, surtout des femmes préposées à la décoration des humbles écuelles rustiques. Elles tiennent dans leur main gauche le vase de terre qu'elles font tourner par secousse avec une si remarquable adresse que les cercles se rejoignent mathématiquement, que les lignes brisées se raccordent et que les semis de points et les feuillages tombent à leur place avec une vitesse déconcertante. Au musée de cette fabrique, j'ai pris des bols, des soupières et des fontaines anciennes, d'un goût parfait et d'une chaleur de coloration séduisante. Puis j'ai demandé à ces artisans « Pourriez-vous me reproduire ces modèles ?»« Aisément, m'ont-ils assuré. Pourquoi ne les imitez-vous pas et même, pourquoi ne les perfectionnez-vous point ?»« Parce que les conditions de notre métier ont changé. » Jadis, nous autres quimpérois, nous détenions le monopole des faïences bretonnes et nous pouvions vendre à un prix rémunérateur des pièces soignées d'un bel émail. Aujourd'hui, on fabrique du faux Quimper à Dèvres, à Boulogne-sur-Mer, à Angoulême, à Fives-Lille et jusqu'en Bohême. Nos concurrents nous copient et livrent aux revendeurs une vaisselle si bon marché que nous, les créateurs, nous devons abaisser nos prix afin de lutter contre cette concurrence grossière qui trompe pourtant les acheteurs. Par conséquent, il nous faut travailler vite et supprimer tous les agréments qui vous plaisent. Le relèvement de notre industrie ne sera possible qu'avec une protection efficace obligeant chaque imitateur à indiquer le nom de sa ville sur chaque pièce. Lorsque seuls nous pourrons inscrire Quimper, nos prix se maintiendront et nos clients n'hésiteront pas à payer à leur valeur des produits que nous nous efforcerons de rendre égaux à ceux du passé. Au congrès de l'Union régionaliste bretonne en 1907, M. Chollot assura qu'on pourrait délivrer à chaque fabricant, faïencier, ébéniste, brodeur, etc. un label ou marque provinciale garantissant l'origine des produits. Ajoutons à ce propos le souhait d'une réorganisation des cours municipaux de dessin et de décoration. Chaque école des beaux-arts dans nos départements devrait être résolument provinciale. N'est-il pas insensé de donner l'enseignement parisien à des élèves qui sont appelés à œuvrer dans leur ville natale des matières aussi différentes que le granit, le chêne, la faïence, le tuffeau, la brique ou le bois blanc? Cette ridicule centralisation a tué la personnalité des derniers artisans, tandis qu'un enseignement décoratif approprié au climat et nourri d'exemples locaux, anciens ou contemporains, eût produit une main-d'œuvre intelligente et des esprits éveillés. Quand un art ne crée plus, il meurt. Quand un art innove à faux, il est mort. On peut conclure des faïenceries qu'il existe encore à Quimper beaucoup de mains habiles, mais point d'hommes de goût. Une rénovation serait pourtant possible à la condition qu'un artiste jeune et passionné pour sa province sût renouer la tradition au point où elle fut abandonnée. Je me suis étendue sur l'histoire des faïences bretonnes, car leur aventure est commune aux autres industries artistiques de l'Armorique. L'ébénisterie suivit un chemin parallèle et plus rapidement encore s'achemina vers la laideur. D'une adresse et d'une conscience qui leur valent encore des clients nombreux par toute la France et à l'étranger, nos menuisiers savent construire des chefs-d'œuvre qui ébahiraient leurs grands-pères. Ici, la formule infaillible pour obtenir un vrai meuble breton consiste à marier les fuseaux Henri II, les roues de Liclos, les colonnes à l'italienne et des panneaux sculptés de personnages à braies celtiques et jouant du biniou, les joues gonflées à éclater. Depuis 2 ans, quelques ébénistes ont même introduit le modern style et, entre deux bâtons de guimauve, où parmi les volutes effarantes se dressent des bonnes femmes à Vertugadin et à Jeannette, chaussées de sabots chinois. Ce gracieux ensemble satisferait les plus délicats, aussi la demande de ces monuments compliqués est-elle active. La preuve du succès nous est donnée par les imitations du faubourg Saint-Antoine. La salle à manger est très réclamée, mais nos grands magasins vous assureront qu'ils vendent aussi couramment le salon armoricain, fourni suivant le prix de rosaces, de fuseaux et de gentils paysans en branle pour les rider. Faut-il donc écrire que l'ébénisterie bretonne a vécu ? Nous ne le croyons pas, car le nombre d'artisans villageois capables de construire une armoire de belle allure ou un buffet vaisselier d'un sobre dessin demeure plus considérable que dans aucune autre province. Morbihanais ou Finistériens ont toujours aimé les œuvres du bois. Sous Louis XIV, tandis que les gentilshommes se ruinaient à Versailles et qu'ils étaient obligés de vendre leurs forêts, l'ivresse du beau mobilier naquit chez nos paysans. Depuis cette époque, on peut trouver dans chaque canton un menuisier capable de dresser une charpente, de tailler une carrée, d'établir un escalier à vis ou de construire une armoire originale. De simples charpentiers arrivent à copier des meubles anciens et la beauté de leur travail étonne les ébénistes parisiens. C'est que ces artisans savent encore donner à leur lit clos et à leur buffet une saveur personnelle. Leurs moulures poussées à la main gardent un frisson de vie, tandis que l'outillage mécanique produit un mobilier rectiligne, mais mort. Dans la région de Pontivy, les menuisiers sculpteurs continuent à œuvrer des agouvreaux, c'est-à-dire ces mobiliers complets offerts aux nouveaux mariés qui sont décorés de guillochages, de fleurettes et de bandeaux feuillagés. L'habileté de ces villageois dépasse même celle de leurs ancêtres. Il ne leur manque qu'une tradition, qu'une discipline, que de bons modèles. À Corrèles, dans les Côtes du Nord, un ébéniste d'origine brestoise, M. Élie Mombet, a fondé une école du mobilier armoricain qui s'inspire trop des tarabiscotages d'un style moderne déjà défunt. Nous espérons que cet atelier saura s'affranchir des influences étrangères et simplifier ses modèles. Aux environs de Vannes, c'est une surprise de trouver de simples charpentiers capables de marqueter une armoire et de la sculpter. Avant d'en terminer avec l'industrie du bois, il faudrait signaler les tourneurs installés dans les forêts de l'Argouette où ils vivent avec les sabotiers. Beaucoup de ces artisans fabriquent une vaisselle de bois d'un profil gracieux, souvent guilloché et fouillé de trèfles et d'étoiles. Les derniers imagiers se sont éteints il y a 50 ans, quand les plâtreries de Saint-Sulpice ont fourni les églises de saints moulés et peinturlurés. En 1860, on trouvait encore dans les paroisses quelques prêtres artisans ouvriers en soutane qui, pour subsister, sculptaient les saints locaux que les magasins des villes ne pouvaient procurer. Beaucoup d'armoires et de lits clos marqués d'un ciboire proviennent de ses mains sacerdotales. Quelques années auparavant, Charles Jacquot, l'humble desservant de Guchesneau, doué d'un véritable génie, sculptait le calvaire de sa paroisse, aidé de son vicaire, l'abbé Lomaillet. Vivant dans sa paroisse isolée en pleine atmosphère gothique, Charles Jacquot s'était retrouvé l'âme candide d'un statuaire du XIIIe siècle. Il ne faudrait pas oublier les brodeurs bretons, nombreux, intéressants et personnels. Voici 10 ans, Pont-l'Abbé produisait ses gilets et ses manches brodés d'un si grand effet décoratif que des archéologues dissertèrent sur l'origine phénicienne ou mongole de leurs dessins, de leurs fleurs de pan reproduites sur le drap en soie rouge, jaunes et vertes. On y trouvait même des attributs antiques comme le chanet d'Arved, la chaîne sans fin des Celtes, symbole de l'éternité. À Élian et dans la région de Rosporden, il existe encore des brodeurs d'une invention charmante, raffinée. Leur combinaison de cœurs entrelacés, de feuillages stylisés, l'infinie variété de leurs motifs floraux, coquelicots ou roses enguirlandées de fougères, l'harmonie de leurs tons cerises, or et émeraude, mériterait de leur assurer une longue existence. Il conviendrait encore de mentionner les maréchaux campagnards capables de forger des chenets dignes de la Renaissance, d'ajourer des girouettes et de marteler des ferronneries de belle allure. S'il fallait chercher une conclusion à cet inventaire rapide des ressources bretonnes, nous dirions que, sur notre vieux sol, végètent encore des artisans adroits qu'on pourrait réveiller, mais qu'il faudrait surtout défendre contre l'imitation des produits de bazar. Les touristes sceptiques qui habitent nos bourgades pendant les mois d'été ont, par leur sotte ironie, découragé nos villageois naïfs de leurs intérieurs antiques. Faut-il rappeler que, récemment, un industriel breton, revêtu du noble costume de sa paroisse, s'est vu refuser l'entrée d'un hôtel de Rouen parce qu'on le prenait pour un paysan? Avec de telles mœurs, comment nos arts provinciaux pourraient-ils exister ?